Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Quel est le but de l'évangile de Jean? Jean ne voulait pas présenter Jésus d'une manière littérale et philosophique, ou spirituelle et imaginative, mais il se concentra plus que les autres sur son incarnation, ses faiblesses et sa soif, alors qu'il était suspendu à la croix. Il précise que Jésus est le Sauveur de tous les hommes, et pas seulement des Juifs, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il nous révèle de quelle manière Dieu aime tous les hommes. Les choses que nous venons de mentionner nous amènent au cœur et au centre de cet évangile, à savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Son éternité s'est révélée dans son existence temporelle, sa divinité dans son humanité et son autorité dans ses faiblesses. Ainsi, en Jésus, Dieu était présent parmi les hommes. Le but de Jean n'était pas de faire connaître Jésus d'une manière philosophique ou mystique, mais de faire connaître le Seigneur par le Saint-Esprit sur la base d'une foi sincère. Il termine donc son évangile par les célèbres paroles « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Jean 20, 31. La foi vivante en la divinité de Jésus est le but de l'évangile de Jean. Cette foi produit en nous la vie divine, éternelle et sainte. À qui l'évangile de Jean est-il destiné? Ce livre, plein de déclarations véridiques sur Christ, ne fut pas écrit pour évangéliser les incroyants, mais pour fortifier l'Église et l'aider à mûrir dans l'esprit. Paul avait commencé à implanter des églises en Anatolie au moment où il fut emprisonné à Rome. Pierre visita ces églises abandonnées et les encouragea. Après la mort de Pierre et Paul, probablement lors des persécutions sous Néron à Rome, Jean les remplaça et s'installa à Éphèse, le centre du christianisme de l'époque. Il prit soin des diverses églises dispersées en Asie mineure. Celui qui lit ses lettres et les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse comprendra les craintes et les objectifs de cet apôtre qui nous fait découvrir l'amour de Dieu incarné en Jésus-Christ. Il lutta contre les croyants, philosophes, qui s'étaient infiltrés dans son troupeau comme des loups et avaient corrompu ses brebis avec des idées vides, des règles strictes et une liberté malsaine, parce qu'ils avaient mélangé la vérité à des pensées futiles. Les disciples de Jean-Baptiste, vivaient aussi en Anatolie. Ils honoraient celui qui appelait à la repentance plus que Jésus, le Sauveur. Ils attendaient encore le Messie promis, pensant qu'il n'était pas encore venu. En décrivant la personne de Jésus, Jean contredit tous ces différents courants qui niaient Christ. Il éleva la voix contre cet esprit d'opposition en certifiant que « nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Il semble que la plupart des destinataires de cet évangile aient été des croyants païens, car Jean donne de nombreux détails sur la vie juive qu'il n'aurait pas été nécessaire d'expliquer pour des juifs. De plus, Jean ne s'est pas appuyé sur des paroles de Jésus écrites en araméen, en les traduisant en grec comme les autres évangélistes. En revanche, il a utilisé des phrases grecques connues dans son Église, les a remplies de l'esprit de l'Évangile et a témoigné des paroles de Jésus dans un grec pur, en toute liberté et sous la direction du Saint-Esprit. Ainsi, son Évangile est profond et simple et plus éloquent que tous les efforts artistiques de pure forme. Le Saint-Esprit nous présente dans cet évangile un trésor de vérité en toute simplicité afin que chacun puisse comprendre sa signification durable. Quand a-t-il été écrit? Nous remercions le Seigneur qui a permis que des archéologues orientaux découvrent récemment un morceau de papyrus datant de l'an 100 après Jésus-Christ en Égypte. Sur ce papyrus, on peut lire distinctement certaines phrases de l'évangile de Jean. Les découvertes révélèrent que l'évangile de Jean était connu en l'an 100, non seulement en Asie mineure, mais aussi en Afrique du Nord, et sans aucun doute aussi à Rome, ce qui mit fin au long débat et à toute critique pernicieuse. Cette vérité consolide notre foi et nous permet d'attribuer cet évangile à l'apôtre Jean lui-même sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que contient cet évangile? Il n'est pas facile de systématiser l'écriture, et il est surtout difficile de diviser l'évangile de Jean en parties distinctes. Nous suggérons néanmoins le plan suivant. Le rayonnement de la lumière divine, 1 à 4, 54. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. 5.1 à 11.54. La lumière lui au milieu des apôtres, 11, 55 à 17, 26. La lumière triomphe des ténèbres, 18, 1, 21, 25. L'évangéliste Jean met de l'ordre dans ses pensées en les groupant autour d'un et de deux concepts ou mots principaux, liés entre eux comme des anneaux formant une chaîne, leurs significations se croisent parfois. La pensée sémitique de Jean, avec sa vision spirituelle profonde, est en harmonie avec la vivacité de la langue grecque dans une unité unique et glorieuse. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous aide à comprendre cet évangile. Il est pour nous la source éternelle de la connaissance et de la sagesse. Celui qui étudie ce livre en profondeur finira par s'incliner devant le Fils de Dieu et lui consacrera sa vie dans la reconnaissance, la louange et la délivrance éternelle. Question. 1. Qui est l'auteur du quatrième évangile? 2. Quelle est la relation entre le quatrième évangile et les trois premiers évangiles? 3. Quel est le but de l'évangile de Jean? 4. À qui est destiné cet évangile unique? 5. Comment pouvons-nous le diviser, le partager en thèmes? Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, boîte postale 600513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6.